Parce qu'on m'a dit, dans le rap fallait une histoire. Parce qu'on m'a dit, qu'en amour fallait y croire. Parce qu'on m'a dit, que j'allais toujours rester dans le noir. Alors j'ai fait un pacte avec la faucheuse. J'ai senti sa main osseuse, sérieuse. Je me suis engagé à rapper jusqu'à la mort. Cette expérience m'a rendu beaucoup plus fort. Et sur ce son de trompette, mec, je reviens de faire la fête. Et je pète tout en travers mon chemin. J'arrête d'avoir de la pitié pour les autres. Depuis qu'ils n'en ont plus pour moi. Les sentiments, j'ai fermé la porte. Et j'ai mis l'amour dans un cercueil en bois. Depuis que j'ai compris que celui-ci voulait m'avoir. Mais je veux pas me taire, je veux faire entendre ma voix. Je suis toujours là, écoute-moi. Mon cœur n'est plus de chair, mais de bois. En solitaire, dans ma main une croix. Crucifié Cupidon, frère, qu'est-ce que t'en dis, toi? Parce que trop souvent, on m'a pris pour cible. À force d'encaisser, je vais devenir invincible. Certainement qualifié de pas crédible. Je suis un insecte, et les rumeurs l'insecticident. Si j'écoute tout ce qui se disait, je serais gay, un mec sans pitié. Et Morphino, ce serait mépris. Un vent paralysé, à moi de chasseur de primes. J'achève tous ces menteurs et rêves d'un monde où je ferai une trêve. Avec les embrouilles, un conseil, évite-moi. La rose qui représentait autrefois l'amour, elle n'est plus dans mon bouquet, mais dans mon four. Je te choque, tu peux me tordre le cou, d'accord. Mais en attendant, je suis toujours debout. Pour la Saint-Valentin, tu veux un cadeau, ok, mange-le, c'est un gâteau, faut le croquer, car tu devineras jamais à quoi c'est parfumé, arsenic, mort aura préparé par Cupidon, qui par la faucheuse a été remplacé. Voici enfin sa vraie identité, déguisée en ange auparavant. Il a enlevé son masque d'enfant pour laisser apparaître un visage mort saignant. Car ses flèches censées te faire aimer à fond, de tuer petit à petit, c'est maintenant que je comprends. Parce qu'on m'a trop souvent trompé, trop souvent menti, trop souvent faussé. Je peux plus retenir mes pensées. Si on veut servir de mon cœur comme une épée ou comme un bouclier, je crois c'est cuit, car ça a changé. Je me laisserai plus avoir, jamais. Heureusement qu'il y en a pour m'épauler, car sinon mon pacte avec la mort serait terminé. Je serai à ses côtés, à écouter les histoires qui autrefois me touchaient. Je suis toujours là, écoute-moi. Mon cœur n'est plus de chair, mais de bois. En solitaire, dans ma main une croix. Crucifié Cupidon, frère, qu'est-ce que t'en dis, toi? Je suis toujours là, écoute-moi. Mon cœur n'est plus de chair, mais de bois. En solitaire, dans ma main une croix. Crucifié Cupidon, frère, qu'est-ce que t'en dis, toi?